les bongos qui va tuer bongo pourri. Ça c'est le bongo. Dédé les bongos qui va tuer bongo pourri. Ça c'est le bongo. Dédé les bongos qui va tuer bongo pourri. Oh Billy Kedel, papa la légende. La spiritualité au haut niveau. On fera Moussa Bala. Vikenzo premier, Momo Kashmir. C'est Kaboul. Banga Gorio, yeah, yeah. Banga, Banga Gorio, yeah, yeah. C'est Abidel. Banga, Banga Gorio, yeah, yeah. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ça, on est bien depuis Paris. Yeah. Ça, c'est le bongo. Dédé les bongo qui va pisser bongo pourri. Ça, c'est le bongo. Dédé les bongo qui va tuer bongo pourri. Ça, c'est le bongo. Dédé les bongo qui va pisser bongo pourri. Giga. Banga. Gérard Choco. Mobio Noël. Bango, bango, bango, bourri, bango, bango, bango, bango, bourri, bango, bango. Blaise Croissy, JPP. Président Bailo et le côté national. Voilà, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, j'ai vu le drama. 1, 2, 3, au Congo, kiss. Calme-moi ça, taïa. Calme-moi ça, taïa. Ta baisse, ta waka. Congo, yé, ta Congo. Congo, yé, yé, Congo. Panacha. Congo, yé, ta Congo. Congo, Tony le boss. Oh, ça la kaba, kaba, la la la. Dans le trifalon. Est-ce qu'il va référencer dans la jungle? Oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli. Tous les gorilles, tapez dans la bâtie. Si t'es les garçons, t'aimes des bandits. Thomas Gradel de London City. Les gorilles. Puis derrière. Le boss Saoula. Dina Djougou Matino. Et bien devant. Greg Managa. Fabio. Gorille. Gorille. Gorille. C'est Trick Anoma. Gorille. Bango, ici te fâcher. Bango. L'humain s'est transformé en une bête sauvage. Pour dire non à l'augmentation des prix. Non au salaire minimum. Non à la piraterie. Est-ce qu'il va référence devenir un gorille par la sauvagerie de tous ceux qui sont contre l'humanité? Voici la danse de celui qui est fâché. Voilà qui bango gorille dans la forêt n'a mis bien n'est pas bango gorille. Ozo ah bango gorille c'est bien ta coupe voilà bango gorille ma copine est cassée bango gorille. Jeff le chaos magicien. Chacun des refoulés envoyez les hommes tous les gars. Yeah. Ôtez la censure. Appelez-moi désormais Serge Benoît la range trois fois pointiné ni. Trémolo quoi. Écoutez à mon paiement. Les gars hein. Bango gorille. Oh oh. Bango gorille. Le pot à mon nom bango gorille. C'est j'ai venu ta ma pongo gorille. Ma hi hi. Pongo gorille. Prépé hi. Pongo. Yeah.